Chapitre 4 de la quatrième partie, La sorcière, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Jacques, donc, se détermina à garder, durant quelque temps, le silence et à épier ce qui se passerait dans la maison du charretier. Il reprit incontinent le chemin de la rue des Voltigeurs. Mais, comme il approchait, il rencontra Pierre Morlaix, qui se rendait, avec sa voiture, à sa station habituelle. « Ah ah, vous v'là, monsieur Jacquet !» dit gaiement le brave cocher. « Vous ne faites pas un tour ?»« On m'avait dit que tu étais engagé ?»« Moi ? Oh oui, mais j'ai laissé mon bourgeois en haut du faubourg, et maintenant je suis libre. À votre service, monsieur Jacques. Est-ce que tu pourrais me conduire à la pointe aux Trembles ?»« Si ça vous convient. Pas de soin, monsieur Jacques. Dans une petite heure, nous serons arrivés. »« Allons, » dit Bourgeot, en montant dans la calèche. Puis, se ravisant, « À propos, quelle heure est-il ? » Pierre Morlaix tira de son gousset une de ces grosses montres en argent, communément désignées sous le nom de bassinoire. « 9h-25, » répondit-il, après avoir consulté le cadran. « 9h-25 ? Alors je change d'avis, tu vas me conduire à la Chine. » Fin du chapitre 4 de la quatrième partie, enregistrée par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en décembre 2010.